C'est une séance particulière parce que l'idée c'était de croiser deux séries problématiques qui ont déjà été croisées par d'autres. Ce n'est pas en soi une innovation de lier la question de la reconnaissance et la question du néo-management, ou de ce qui nous préoccupe par ailleurs, à savoir des transformations des manières de gouverner l'enseignement supérieur et la recherche. Mais ce qui est, je pense, important, c'est de montrer qu'en tirant ce fil, on est ramené à ce qui nous préoccupe aussi beaucoup dans nos disciplines, à savoir une logique d'enquête, c'est-à-dire de se rapprocher quand même d'une compréhension la plus fine possible des effets, des impacts que peuvent produire des politiques, et de ne pas en rester simplement justement à la critique frontale de ces machines qui nous envahissent, et d'en comprendre vraiment dans le grain le plus fin. Et c'est vrai que la question de la reconnaissance, telle qu'elle a été théorisée, en particulier par Axel Honneth, dont je ne exposerai pas complètement, mais dans la discussion, on peut revenir sur les fondamentaux au fur et à mesure, ça touche évidemment à l'individu. D'ailleurs, Axel Honneth a construit sa théorie de la reconnaissance à partir de Hegel, bien sûr, mais aussi d'une critique de Habermas, et notamment du statut que Habermas donnait au dualisme qu'il avait construit entre l'intersubjectivité, les relations authentiques, véridiques, etc., et puis le système, hein, cette espèce de pensée un peu binaire qui lui avait été beaucoup reprochée, hein, le monde vécu versus le système, en tant que la crise de la deuxième ou troisième modernité, je ne sais plus où on en est, de modernité, enfin bon, c'est pas grave, c'était vraiment cette espèce de scission, donc je pense qu'on est en plein dedans d'ailleurs, on y reviendra. Et puis de l'autre, chez Mead, hein, puisqu'il a beaucoup puisé dans la pensée de George Herbert Mead, qui justement est quand même celui qui a le plus pensé la question individu, collectif, société, hein, avec sa sociologie pragmatique, hein, très, très précoce, sur laquelle on reviendra. Donc, il me semble que c'est important parce que ça veut dire aussi descendre dans nos analyses des politiques des sciences jusqu'à l'interindividuel et de voir en retour comment des perturbations, des troubles, voire des crises parfois profondes vécues par des individus produisent des effets. Et évidemment dans les deux sens, puisque la question de la reconnaissance va fonctionner. C'est un peu l'hypothèse que je propose pour la discussion. Après, on va avoir des variations, chacun a des versions différentes, ça qui est intéressant. Tantôt évidemment objet de quête et de lutte, obtenir la reconnaissance de quelque chose, et puis évidemment objet aussi de manipulation. Et pour ça, je vais vous lire une annonce. Alors, il faut la prendre au sérieux, hein. Elle a été diffusée donc par la direction de la recherche de l'HESS, qui la recevait elle-même de la direction de la recherche de Paris Sciences Lettres, notre commu. Et elle s'appelle Appel à projet postdoc innovation. Donc, c'est intéressant, c'est la version anglaise, excusez-moi, oui, parce que c'est envoyé systématiquement en anglais, et puis vous avez below in French. Alors, donc ça a été envoyé au mois de mars sur la liste TLM. Tout le monde est sur la liste TLM ici, tout le monde, tous les membres, enfin, qui est une liste importante, n'est-ce pas? Un outil important. Et donc, ça s'appelle Appel à projet PSL Postdoc Innovation, donc c'est un relais, hein, ça descend. Chers et chers collègues, la commu PSL vient de publier l'appel à projet intitulé Postdoc Innovation. Cet appel propose de financer des contrats postdoctoraux à de jeunes docteurs, moins de 3 ans à la date de début du projet, dont l'esprit, moins de 3 ans, on suppose que c'est la date de soutenance, dont l'esprit entrepreneurial pourra contribuer à la création de start-up et à d'autres projets d'innovation de rupture. PSL apporte aussi un accompagnement et un soutien dans la création des structures dans leur phase initiale en coopérant avec Elaya Partners, Origa Partners et l'incubateur Agoranov. La date limite est fixée au 11 mai, donc vous pouvez encore candidater. Attention, les dossiers nécessitent les signatures du directeur d'unité et du président de l'EHESS. Vous trouverez ci-dessous le lien de l'appel avec les modalités de dépôt de dossier. Alors, je suis allé dans le lien de l'appel. Il y en a peut-être que je pourrais candidater pour voir. On gagne un canular. Et en fait, c'est assez pauvre, hein. C'est assez facile, hein. Vous n'avez pas grand-chose à mettre. C'est vraiment quelques cases. À côté, la NR, c'est une usine à gaz. Là, vous avez vraiment, en gros, il faut avoir une idée qui puisse, et les sciences sociales sont évidemment invitées à candidater, qui puisse donner lieu à création d'une start-up. Pour alimenter donc cet incubateur, cette pépinière qui permet de révéler que dans les chercheurs de PSM, on a l'esprit entrepreneurial. Donc ça, c'est la version, et ça va me permettre ensuite de passer la parole à Sylvain assez vite, qui aujourd'hui se banalise, colonise, mais qui évidemment va modifier en profondeur les contraintes ou les règles ou les logiques de reconnaissance qui étaient supposées fonctionner dans les mondes universitaires. Et la question de cette séance, mais qu'il faudra prolonger, parce qu'on n'aura pas épuisé aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça peut produire en fait hein, sur les individus, sur les groupes, sur leur rapport aux institutions et sur ces tensions sur lesquelles on reviendra au fur et à mesure, que j'avais résumé dans l'invite du séminaire, comme on peut appeler ça, une forme d'instrumentalisation des quêtes de reconnaissance par des logiques managériales. C'est dit un peu vite, justement, l'idée c'est de documenter ça et de rentrer plus dans le détail. Alors, je ne vais pas en dire plus pour démarrer, mais pour adresser, comme on dit aujourd'hui, to address this question, nous avons donc invité Sylvain Lavelbe, philosophe, qui exerce ses talents, entre autres, mais à l'Institut catholique des arts et métiers, c'est ça, ICAM, ouais. Qui est un partenaire de longue date, on discute depuis fort longtemps, etc. Donc tu compléteras sur le background, etc. Cyprien Tassé, en fait on se connaissait sans se connaître, mais c'était l'occasion justement de discuter, donc qui a beaucoup travaillé sur les intellectuels précaires et là qui propose en fait d'intervenir sur les chercheurs précaires dans les pensées critiques de l'enseignement supérieur. Pareil, tu peux préciser des éléments de parcours ou des choses comme ça. Et Sylvain Bull, avec qui on a eu la chance il n'y a pas si longtemps d'avoir une séance de travail sur Notre-Dame-des-Landes et la ZAD et l'expérience du zadiste et des zadistes, qui était assez intéressante par rapport au sujet qu'on traite par ailleurs avec Jean-Michel Fourniaud ici, et qui nous propose de réfléchir à cette question de reconnaissance en tension avec l'émancipation. La sociologie doit-elle se soustraire de l'emprise de la cité par projet pour être en prise avec le monde ? Au programme. Et ensuite, ben, je, en fonction du temps, alors on se donne une demi-heure par intervention, ça va, une demi-heure, 30 minutes. Plus ou moins, et puis je donnerai quelques éléments de mon propre point de vue sur cette question de la reconnaissance comme ressort de mobilisation et facteur d'emprise, et comment les acteurs peuvent se défaire de ça, de ce dilemme, surtout aujourd'hui. Et ensuite, ben, ça sera ouvert et on continuera l'enquête collectivement. Ça va ? Bon, ben alors on y va. Sylvain.